si yo pa toujou kade yo. Yo de sa aktivite yo, pou yo pe sa pale de yo. Men o bien gade tou ne vive, pou ka weta yo pa mye. Men o bien gade tou ne vive, pou ka weta yo pa mye. A sou la te ou pe pa bouje, si yo pa toujou kade yo. Yo de sa aktivite yo, pou yo pe sa pale de yo. Mais l'on vient garder tout ne vivre, ou kaweta yo pa mye. Mais l'on vient garder tout ne vivre, ou kaweta yo pa mye. C'est pas la peine de chercher ça. Tout ça qui a passé, on les a pété du courage, ce qui est bien tracassé. C'est pas la peine de chercher ça. Tout ça qui a passé, on les a pété du courage, ce qui est bien tracassé. C'est pas la peine de chercher ça. Tout ça qui a passé, on les a pété du courage, ce qui est bien tracassé. C'est pas la peine de chercher ça. Tout ça qui a passé. On les a piqué du courage, ça fait bien tracasser. Hey, hey, hey. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Assez mal parlé. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Si vous parlez comprendre. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. Pour garder pour ta va bon veiller ça les ton café. Si